toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de La Cristoire du Catch. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions de nouveau poursuivi notre petit cours de définition de termes dans le monde du catch en expliquant les termes de la lettre R à la lettre S. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en commençant par la lettre T jusqu'à la lettre Z. Ceci sera donc la dixième et dernière partie de La Cristoire du Catch, avant d'enchaîner sur une toute nouvelle chronique dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Commençons donc ce dernier épisode par le premier terme de la lettre T. Il s'agit du terme tag, que vous pouvez traduire par relais. Dans un match par équipe, un catcheur doit toucher son coéquipier qui se tient sur le bord extérieur du ring pour passer le relais. La plupart du temps, en lui tapant dans la main. Parfois, voire souvent, il peut y avoir ce qu'on appelle un blind tag, donc un relais à l'aveugle que le partenaire sur le bord du ring peut effectuer lui-même en tapant dans le dos ou sur l'épaule de son coéquipier. Et scénaristiquement, un blind tag est un relais que l'arbitre voit mais que l'adversaire en face ne voit pas. Passons maintenant au terme tag team. C'est une équipe de deux catcheurs ou deux catcheuses dans les matchs à relais. Le terme turn sera le prochain terme. Vous pouvez le traduire par retournement. Je suis certain que ce terme vous parle, vu que nous l'avons plus ou moins abordé dans les termes face turn et heel turn. Ce terme désigne le changement d'attitude, le changement d'alignement d'un personnage, le changement de gimmick. Celui-ci peut s'opérer dans les deux sens. Le heel turn, donc, qui désigne le fait qu'un face, un gentil, devienne un heel, un méchant. En quelque sorte, il change de personnalité. Le face turn désigne le phénomène inverse. Dans le cas, beaucoup plus rare du double turn, les deux protagonistes d'une rivalité échangent leur rôle en même temps. Les turns font partie de l'arsenal des ressorts narratifs classiques du catch et ont lieu fréquemment. Ils peuvent se produire brusquement en plein match ou lors d'un processus au long cours, ou encore subrepticement, c'est-à-dire quand un personnage adopte un nouveau caractère sans plus d'explication, parfois à la faveur d'un changement de gimmick. Le terme twinner, ça vous parle ? En général, c'est en quelque sorte le statut, le gimmick qui se trouve entre face et heel. Sinon, c'est l'anti-héros dans une intrigue. Le terme tomber sera le prochain terme, bien que vous le connaissiez déjà. C'est l'immobilisation victorieuse de l'adversaire, dont les deux épaules sont rivées au sol pour un compte de 3 secondes. La lettre T étant terminée, passons maintenant à la lettre suivante, la lettre V, vu qu'il n'y a pas de terme dans le monde du catch, commençant par la lettre U, ou du moins, pas que je sache. Dans les prochaines lettres, il y aura beaucoup moins de termes, ça sera donc beaucoup plus rapide. Le premier terme pour la lettre V est celui de valet, que nous avons déjà abordé quand nous avons parlé du terme manager. La définition pour le terme valet est la même que pour le terme manager. Cependant, ce terme, valet, est attribué aux femmes. Initialement, le terme valet désignait la simple présence effectuée par une personne accompagnant un lutteur aux abords du ring, sans davantage d'ajout particulier à l'action en cours, par opposition au manager qui, lui, représentait l'atout charisme et bavard d'un lutteur, et ce, indépendamment de son sexe. Les deux rôles de manager et de valet ont fini par fusionner plus ou moins. Le terme vignette, maintenant, que nous avons déjà abordé il y a quelques semaines, c'est un vidéomontage dans lequel des lutteurs ou des événements y sont représentés dans un but de divertissement ou d'édification de construction. Habituellement, ces montages sont effectués pour promouvoir les débuts d'un lutteur avant leur entrée sur scène. Passons à la lettre W maintenant. Pour cette lettre, le premier terme sera work, que vous pouvez traduire par travail. Ce terme peut désigner une multitude de choses se rapportant au fait que les catcheurs coopèrent pour faire croire à un public que ce qu'ils font ou disent est 100% réel. Work rate, que vous pouvez traduire par rythme de travail, sera le prochain terme. C'est le niveau de performance qu'un catcheur est capable de donner dans ses combats en tenant compte de sa technique et de ses efforts. Le rythme d'un match dépend du soutien qu'apportent les catcheurs au combat, s'ils donnent du rythme ou s'ils ralentissent le match. Et enfin, terminons ces définitions par la lettre X, dans laquelle il n'y aura qu'un seul terme, celui de X-Sign, ou X-Sign en anglais, qu'on appelle en français signe de croix. Ce signe est employé par l'arbitre à la suite d'une interruption inopinée du combat, alors en cours, afin d'appeler les secours médicaux en cas de blessure légitime d'un lutteur sur le ring. Le X-Sign peut également être employé par l'arbitre de façon scénarisée afin d'annoncer la blessure d'un lutteur permettant à la promotion qu'il emploie de l'écarter des rings pour toutes sortes de raisons Que ce soit pour le tournage d'un film qui justifierait l'absence à l'écran du catcheur ou de la catcheuse en question, si le catcheur ou le catcheuse a failli à la politique éthique et morale de la fédération qu'il emploie à cause d'un ou de plusieurs usages de stupéfiants ou autres. Et si usage de stupéfiants il y a, le catcheur ou la catcheuse sera suspendu de la fédération et donc n'apparaîtra plus pendant une durée plus ou moins longue. Nous arrivons déjà à la fin de cette chronique. Mais avant de la conclure et de conclure la crise du catch, nous allons, comme à l'habitude, passer par un petit message de prévention. Les catcheurs et les catcheuses sont des professionnels très entraînés avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut pas tenter de reproduire à l'école, chez vous ou n'importe où ce que vous voyez à l'écran. Nous avons bon le répéter encore et encore et encore, mais il y a toujours des personnes inconscientes qui pratiquent le catch sans entraînement, que ce soit dans le backyard wrestling, donc le catch de jardin ou autre, et donc par conséquent, les blessures s'accumulent encore et encore et encore. Il serait idiot de mettre votre vie en danger pour la pratique du catch. Je dis cela alors que je suis moi-même fan de catch depuis plus de 10 ans. Si vous voulez pratiquer le catch, c'est très bien. Mais allez apprendre ce sport dans une structure aux normes, avec les secours dans la salle et avec tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Ou dans une école aux normes. Car il n'y a pas de secours dans votre jardin et les normes de sécurité ne sont jamais respectées. Donc, nous ne le dirons jamais assez, mais ne faites pas ça chez vous, à l'école ou n'importe où. Il en va de votre santé. Il en va de votre vie. C'est ainsi que se termine cette 10e partie sur la crise du catch. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore en venant nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Notre porte est toujours ouverte afin d'échanger avec vous. Nous serons donc, comme à l'habitude, bien sûr ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. La semaine prochaine, nous commencerons une toute nouvelle chronique. Je n'en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être magique. Allez, bonne semaine à toutes et à tous.